Chapitre 20e. Au lieu de répondre, la comtesse arriva elle-même le surlendemain. Elle était curieuse de voir de ses propres yeux la personne qui avait ensorcelé son neveu, au point de lui faire perdre l'esprit et la vie plus d'à moitié. Xavier avait repris ses forces avec une rapidité extraordinaire. Pendant la nuit qui avait suivi la querelle, la première et la dernière, avec sa future belle-mère, il avait pris une résolution qui l'avait rendu tout son calme. Que la comtesse consentît ou non, il était bien décidé, on le mettait là quelques jours, sûr qu'il la ferait aisément consentir à l'épouser aussitôt qu'elle ne serait plus sous l'influence directe de sa mère. Il savait que l'amour est plus fort que tous les raisonnements de l'univers, et certain d'obtenir bientôt de façon ou d'autre le bien qu'il souhaitait, il avait retrouvé sa bonne humeur en même temps que sa santé renaissait. Il vint donc au-devant de la comtesse de l'air tranquille et fier d'un homme qui a trouvé son chemin dans la vie. « Vous-même, ma bonne tante, dit-il, c'est en vérité une charité grande que de venir boire un pauvre malade, à peine réconcilié avec l'existence. »« Ta, ta, ta !» fit la comtesse, après l'avoir embrassé. « Il ne s'agit point de bonté. Tu me parais avoir perdu l'esprit, monsieur mon neveu, et je suis venu pour voir s'il convient de te faire enfermer, ou bien s'il suffit de t'adresser des remontrances pour te ramener au sens commun. » Xavier rougit. Il allait se fâcher lorsque sa tante, lui prenant le bras, ajouta en souriant « Elle est donc bien jolie. »« Jugez-en vous-même, ma tante, » répondit Xavier en la conduisant dans l'embrasure de la fenêtre. Marthe et Thécla, surprises dans leur promenade par l'arrivée de la comtesse, traversaient rapidement le parterre pour rentrer chez elle. Marthe allait la tête basse, courbée sous le poids d'une gêne que rien n'avait pu alléger. Thécla, droite, élégante, d'un port noble et fier, et si incontestablement de bonne race, que la comtesse ne put faire autrement que de l'admirer. « Elle est fort bien, en effet, » dit-elle en laissant retomber sur le lorgnon. « Mais il y a tant d'obstacles. »« Oh, ma tante !» s'écria irrévérencieusement Xavier. « Si c'était pour me faire encore du désagrément, ce n'était pas la peine de vous déranger. » La bonne dame eut envie de se fâcher, mais le moyen, avec un neveu si maigre, il n'y avait point à le nier. Malgré sa convalescence hâtive, Xavier était mince comme un fil, sans en paraître moins beau, d'ailleurs. Ils s'assirent sur un canapé, et pendant une bonne heure, la comtesse épuisa tous les arguments que sa mémoire et son intelligence purent lui fournir contre les mariages disproportionnés. « Ma tante, lui dit Xavier, quand elle eut fini, vous parlez comme un livre, mais cela ne change rien à ma volonté. D'ailleurs, rappelez-vous que nous nous aimons, et qu'il ne faudrait pas pousser à bout par des refus de amoureux qui s'adorent. « Toi, qui voulais faire de si grandes choses, » répliqua la comtesse, bien qu'aux trois quarts vaincue, « toi qui cherchais une vocation, ma vocation, je l'ai trouvée, » répliqua Xavier triomphant, « ma vocation, c'est d'être heureux, et je vous défie d'en trouver une meilleure. » La comtesse ne répondit pas. La menace que Xavier avait faite tout à l'heure ne laissait pas que de l'inquiéter. Si en effet, à force d'apporter des obstacles à ce mariage, on amenait les jeunes gens à s'en passer, Xavier était bien capable de lui jouer ce tour-là. Un instant, la noble dame sentit une vilaine pensée l'effleurer. Grand malheur, en effet, si Xavier enlevait Thécla. Plus tard, s'il s'en lassait, ne pourrait-il accomplir le beau mariage rêvé par toutes les tantes et toutes les mères, même pour les fils et neveux qui ont 5 000 livres de rente? Mais la comtesse avait l'âme droite, et elle rougit aussitôt de cette ombre de mal. Elle en rougit si matériellement et visiblement que Xavier lui dit « À quoi donc pensez-vous, ma tante? Vous êtes rouge comme une pivoine. » « Je pense, répondit-elle, en reprenant toute sa dignité, que tu es un grand scélérat de penser à faire du tort à une jeune fille aussi honnête que celle-là. « Mais, ma tante, s'écria Xavier, bouleversé de cette logique, ce n'est pas moi. Je ne demande qu'à l'épouser et tout le monde me la refuse. Tout le monde, interrompit la comtesse, qui donc encore? Sa mère! Qui ne veut me la donner qu'avec votre permission, c'est trop fort, en vérité, de m'accuser. » « C'est bon, » fit la comtesse intérieurement très flattée, en prenant son plus grand air. « Si sa mère te la refuse dans ces conditions-là, c'est vraiment une personne fort sensée. Présente-moi ces dames, afin que je les voie d'un peu plus près. » Xavier embrassa sa tante littéralement à tour de bras, et pendant que la bonne dame rajustait sa coiffure, un peu dérangée, il sonna. Sava présenta à la porte sa figure grimaude, reçut l'ordre sans broncher et l'exécuta du même air dont il eût dirigé un convoi funèbre.